Yuma, chapitre 7. La décision de Madame Perronnette fut précisément ce que Monsieur Desrivières avait prévu. Elle fut encore plus étonnée que lui par le choix de Yuma et ne put l'expliquer que par une attirance purement physique, ou, comme elle disait, animale. Et c'était là un danger qu'elle avait toujours redouté pour Yuma. Elle fit même des reproches à son gendre, le tenant comme responsable de toute cette affaire. Enfin, elle insista pour que Yuma retournât immédiatement à Saint-Pierre. Elle ne voulait pas qu'une autre devînt la bonne de Mayotte, mais que l'enfant demeurât ou non à Anse-Marine, Yuma réintégrerait la ville. Du reste, il était grand temps que l'enfant apprît autre chose qu'à sucer les cannes à sucre et à jouer avec des négrillons. Et puis elle était devenue tout à fait forte, et la ville était exceptionnellement saine. Yuma pouvait continuer à vivre chez les Desrivières, au quartier du fort, mais une jeune fille qui était assez innocente pour s'amouracher du premier nègre vulgaire qui lui faisait la cour avait besoin d'être surveillée. Et Madame Perronnette comptait s'assurer que pareille aventure ne se reproduirait pas. Monsieur Desrivières ne fit aucune résistance au désir de sa belle-mère. Il déclara qu'il avait l'intention de revenir en ville aussitôt que possible et qu'il ramènerait Mayotte et sa bonne avec lui. Cette décision causa à Yuma un tel choc douloureux qu'elle en fut trop étourdie pour pleurer. Puis, avec le ressentiment machinal et instinctif que provoque la douleur soudaine, elle comprit pour la première fois, pleinement et amèrement, qu'elle n'était qu'une esclave impuissante à résister à la volonté qui la frappait. Toutes les déceptions qu'elle avait eues, toutes les contraintes, tous les refus, tous les reproches qu'elle avait subis, toutes les fois où elle avait réprimé un mouvement spontané, toutes les petites peines dont elle avait souffert, revinrent en foule à sa mémoire, la brûlant. Elle eut l'illusion qu'elle avait été malheureuse toute sa vie, et elle fut remplie d'une colère sourde et violente contre la longue injustice dont elle s'imaginait être la victime. D'une colère qui anéantit son bon sens, son habitude acquise de sereine résignation. À ce moment, elle se prit presque à haïr sa marraine, à haïr Monsieur Desrivières, à haïr tout le monde, sauf Gabrielle. Dès l'arrivée de Gabrielle dans sa vie, quelque chose qui depuis longtemps était tenu en soumission chez elle, quelque chose qui ressemblait à une seconde âme plus sombre, plus passionnée, remplie d'étranges impulsions et de mystérieuses émotions, s'était levée allant au-devant de Gabrielle, brisant ses liens et parvenant enfin à la domination. La nature de la race sauvage dont le sang prédominait dans ses veines. Jusqu'ici, les révoltes de ce sang sauvage n'avaient eu d'autre résultat que de secrets accès de mélancolie, qui commencèrent après le départ d'Aimé pour le couvent. C'est à cette époque que Yuma fut admise pour la première fois dans une existence qui, dans ce temps, était entourée par les hauts murs de formalités extraordinaires. Sauf pendant les soirées d'une brève saison théâtrale et à l'occasion d'un bal très choisi, les dames créoles demeuraient presque cloîtrées chez elles, d'un dimanche à l'autre. Elles ne quittaient guère leur appartement que pour aller à l'église. Elles n'entraient jamais, sous aucun prétexte, dans un magasin, car elles faisaient faire leurs moindres emplettes par des esclaves. Énervé par un climat qui eût sans doute exterminé l'élément européen de la population au bout de quelques générations, n'avait été l'apport constant de sang étranger nouveau, les femmes blanches des colonies s'adaptaient sans peine à cette vie de réclusion fraîche et élégante. Mais Yuma appartenait à la race qui aime le soleil. Les privilèges mêmes qu'on lui concédait, l'éducation qu'elle avait reçue en sa qualité de fille adoptive, avaient tendu plutôt à comprimer sa vie naturelle qu'à l'épanouir. À la campagne, elle avait trouvé plus d'occasions de plaisirs au grand air. Elle s'était libérée de contraintes formalistes. Mais, même à la campagne, sa vie s'était trouvée limitée par son devoir de bonne. Enfermée en quelque sorte dans la petite sphère des exigences d'un enfant. Yuma était trop jeune pour être une da. Pour la da, il n'y a pas de plaisir. Une telle situation n'exigeait rien de moins qu'un sacrifice de soi absolu. Aussi n'en confiait-on en général la responsabilité qu'à des esclaves qui avaient été mères, qui avait déjà accompli la destinée naturelle de la femme. Mais à peine Yuma avait-elle cessé d'être une enfant, qu'elle se voyait de nouveau condamnée à agir, penser et parler comme un enfant pour l'amour d'une fillette qui n'était pas à elle. Sa jeunesse magnifique protestait silencieusement contre cette contrainte perpétuelle. Malgré le sentiment de dignité personnelle que Madame Perronnette n'avait épargné nulle peine pour lui inculquer, le sentiment d'une supériorité sociale parmi ceux de sa classe, elle se surprenait parfois à envier le lot de certaines femmes qui eussent volontiers changé de place avec elle. Les filles qui voyageaient en chantant par les routes ensoleillées des montagnes, les négresses qui travaillaient aux champs, en fredonnant des belets au rythme du ka. Yuma ressentait comme un plaisir douloureux à les regarder. Elle souffrait tant de la lassitude, de l'inaction physique. Elle était si lasse de vivre à l'ombre, de se reposer dans des fauteuils à bascule, de parler un babil enfantin. De même autrefois, elle s'était lassée de vivre derrière les volets clos à broder ou à coudre dans le demi-jour, à écouter des conversations qu'elle ne comprenait pas. Pourtant, à ces moments-là, elle s'était jugée ingrate, presque méchante. Elle avait lutté contre son mécontentement, elle l'avait vaincu jusqu'à l'arrivée de Gabriel. Gabriel. Il lui avait révélé un monde nouveau, où se trouvait tout ce à quoi son être aspirait, la lumière, la joie, la mélodie. Il lui apparut comme mêlé en quelque sorte à la liberté de l'air et du soleil, à la liberté de la rivière et de la mer, aux parfums frais des bois et des champs, aux longues ombres bleues du matin, à la lumière rose du clair de lune tropicale, aux chansons des chanterelles, à la gaieté des danses sous les cocotiers, au battement des tambours tonnants. Gabriel, si calme, si droit. Son homme parmi tous les autres hommes, le bon Dieu l'avait créé pour elle. Gabriel, qui, bien qu'esclave, forçait l'estime de son maître. Gabriel, pour qui elle priait chaque soir et pour qui elle déposait une petite offrande de fleurs sauvages devant l'image de la Vierge. Gabriel avec qui elle serait heureuse, même dans la plus misérable des ajoupas. Elle sacrifierait volontiers sa liberté, si elle l'avait, et même sa vie pour l'aider. On disait qu'elle était belle, yon bel bois, comme un jeune palmier. Pourtant, elle ne désirait être belle que pour plaire à Gabriel. et cependant, on allait la séparer de lui, sous prétexte qu'il n'était pas bon pour elle. Comme si les maîtres pouvaient savoir. Ils désiraient la garder auprès d'eux pour toujours souffrir pour eux, à vivre dans l'obscurité et dans le silence comme un manicou. Et ils avaient le droit de la torturer, de lui enlever Gabriel. Tout était mauvais sur cette terre, pour elle du moins. Tous ceux qu'elle avait aimés lui avaient été enlevés. D'abord sa mère, Douceline, puis Aimée des Rivières, et maintenant Gabriel. Le lendemain de son retour à la ville, M. des Rivières prit Yuma à part et lui apprit ce qu'il avait décidé, d'accord avec Madame Perronnette. Yuma revenait de la rivière avec Mayotte après avoir donné à l'enfant son bain quotidien. Il lui parla avec bonté, mais très franchement, et d'une manière qui ne lui laissa plus aucun espoir. Elle demeura longtemps immobile et silencieuse dans sa chambre. Puis, obéissant au désir de Mayotte, elle l'accompagna sur la véranda. Il faisait une journée d'une clarté exquise, une brise tiède soufflait de la mer. Du côté le plus rapproché de la vallée, retentissait le roulement sourd et fondu d'un tambour belé et le refrain d'une chanson africaine. Une troupe de manœuvres traçait un nouveau sentier jusqu'au sommet d'un morne, l'ancien chemin ayant été balayé par des pluies récentes. L'intendant avait déterminé la direction à suivre et tracé des zigzags avec des cordes. Et les ouvriers descendaient lentement en une double file. Ils chantaient tous, et de leurs bêches et de leurs battes, ils battaient la mesure au rythme des tambours. Parfois, ils jetaient leurs bêches en l'air et les rattrapaient, ou bien ils se les lançaient les uns aux autres, sans perdre la cadence du mouvement. Une jeune fille, la petite Crialinde, portait un plateau chargé de tasses d'étain, de dabanes d'eau et d'un pichet de liqueur. Elle versait à boire à tous dans les moments de répit, car il faisait chaud à travailler. Yuma chercha des yeux à la tête de la colonne une grande silhouette vêtue d'une chemise de cotonnade bleue et de pantalons de canevas blanc. Mais Gabriel était invisible. Marius, un autre esclave, le remplaçait. Il surveillait le travail, guettant les serpents. Plus que 3 jours. Ensuite, elle quitterait Anse-Marine et elle ne verrait plus Gabriel. Ils allaient retourner à la ville monotone et chaude pendant le mois le plus monotone et le plus chaud de l'année. Gabriel le savait-il? Était-ce parce qu'il avait appris son prochain départ qu'elle ne le voyait pas parmi les ouvriers? Yuma devinait que s'il savait, il trouverait bien moyen de lui parler. Au moment même où elle éprouvait le désir de le voir, Gabriel apparut devant la maison. Il lui fit signe de laisser l'enfant et de le rejoindre. Il lui posa doucement la main sur l'épaule et lui murmura. « Le maître m'a tout raconté ce matin. Il va vous enlever à nous. »« Oui, » répondit-elle tristement, « nous retournons à la ville. »« Quand ça ?»« Lundi prochain. »« Et il n'est que jeudi, » dit-il avec un sourire étrange. « Doudou, vous savez qu'une fois qu'ils vous auront ramené en ville, ils ne vous laisseront plus jamais me revoir, plus jamais. Oui, vous le savez. » « Mais Gabriel, » répondit-elle d'une voix qui s'étranglait, blessée par le ton de supplication de ses paroles, « que puis-je faire? Il n'y a pas de moyen. » « Si, il y a un moyen, » interrompit Gabriel presque durement. Étonnée, elle le regarda, et un espoir, nouveau et vague, pointa dans ses yeux. « Il y a un moyen, ma fille, » répéta Gabriel, « si vous êtes brave. Regardez. » Du doigt, il désigna un point au-delà de la vallée, au-dessus de la mer, vers le nord-est, où surgissait une forme d'une beauté fantastique, visible seulement par le beau temps. Du cercle pourpré de l'océan, la silhouette de la Dominique se découpait sur le jour améthyste, couronnée de surnaturelles cimes violettes au-dessus desquelles s'enroulaient des nuages, pareils à une lumineuse ouate d'or. « Doudou, on arriverait là-bas en une seule nuit, » murmura-t-il en surveillant le visage de Yuma. Elle comprit ce qu'il voulait dire. La liberté attendait l'esclave qui poserait le pied sur le sol britannique. « Gabriel !» appela la voix de l'intendant. « Ellie !» cria-t-il en réponse. « Pense-y, ma fille, » dit-il tout bas à Yuma. « Changez, changez bien, chez !»« Gabriel !» cria une deuxième fois l'intendant. « Cavini !» dit Gabriel en courant où on l'appelait. Yuma regagna sa place habituelle sous la véranda où Mayotte jouait avec un petit chat noir. Elle entendit à peine le rire de l'enfant qui cherchait gaiement à lui faire remarquer les gambades comiques de l'animal. Elle lui répondit machinalement comme à demi éveillée. Son regard était toujours fixé sur l'apparition qui brillait à l'horizon et dont la vaporeuse beauté tentait son désir. Et, tandis qu'elle la contemplait, l'île prit lentement une pâleur diaphane et commença à s'effacer dans l'immense clarté. Puis, à mesure que le soleil montait dans le ciel, elle disparut mystérieusement. Et il ne resta plus que la mer claire et mouvante et le dôme pur du ciel d'été. Pourtant, le lumineux souvenir violet de la vision s'attarda en elle et pénétra toute sa pensée. Ce jour-là, elle ne revit plus Gabriel. Il sembla l'éviter exprès pour lui laisser le temps de réfléchir.